بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس العاشر deuxième leçon après nous avions parlé de du tawhid définition catégorie essence قال المؤلف رحمه الله تعالى في السؤال 46 46e question قال في اي سوره قوله تعالى الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Dans quelle sourate se trouve la parole d'Allah dans le sens où il dit: N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole la bonne parole à l'exemple d'un arbre, d'un bon arbre, dont les racines seront fermes, bien ancrées dans le sol, et dont la ramure atteint le ciel. Il donne à tous instants ses fruits par la permission de son Seigneur. Et Allah expose les exemples pour les gens afin qu'ils se rappellent. Ce verset est dans Surat Ibrahim. Et le shahid de ce verset, c'est que cette kalimat tayyiba, c'est kalimat tawhid. C'est la ilaha illallah. C'est là où l'auteur veut en venir par rapport à ce verset-là, comme cela a été expliqué dans le tafsir. ثم قال في السؤال 47 47e question ما هي شروط شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Quelles sont les conditions des deux shahada, des deux attestations? On en a parlé déjà dans 200 questions et réponses, mais la baisse qu'on les rappelle car c'est des choses qui sont très importantes. Et le fait que ces conditions ont été citées par des ulama plus proches des contemporains que des anciens n'empêche pas que ces conditions soient valides du fait qu'il les a cités avec ses preuves. D'accord ? Cité avec ses preuves. D'accord, voilà. Awalan al-ilm. La science, le savoir. Wa dalil qawluhu ta'ala. Wa la yamliku allazina yad'una min dunillahi shafa'ata illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Que ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne possèdent point l'intercession, hormis ceux qui auront attesté par la vérité alors qu'ils savent. Alors qu'ils savent. Hada wa shahid min al-aya. Zukhruf, verset 86. Et là, l'auteur ne va citer que les versets, ne cite pas les ahadiths, qui parlent des huit conditions de la ilaha illallah. Pour ceux qui veulent les revoir, qui retournent au douloureux précédent. Deuxième condition, al-yaqin. Et al-ilm, afin, oublié de son opposé, c'est le jahl, l'ignorance. De cela. Thaniyan al-yaqin, la certitude. Wa ad-dalilu qawluhu ta'ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Dit les croyants sont seulement ceux qui ont cru en Allah ainsi qu'en son messager et qui n'ont pas douté. Al-Hujurat, les appartements, verset 15. Donc on voit que al-yaqin, la certitude, est une condition de la shahada, des deux shahada, et que le doute, le fait de douter de cela, est son opposé. Et cela amène à la mécréance. Al-Inqiyad, c'est la soumission. De le laisser mener par cette parole-là. D'accord ? Si soumettre et obéir. Wad-dalilu qawluhu ta'ala wa man yuslim wajjahu lillah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa wa ila Allah 'aqibatu al-umur. Que celui qui soumet son visage à Allah, c'est-à-dire qui se soumet totalement, qui obéit et qui accomplit les obéissances, qui accomplit les ordres, qui délaisse les interdits, alors qu'il est bienfaisant, c'est certes accroché à l'anse la plus solide. Et c'est à Allah que revienne la rétribution. C'est à Allah que revient plutôt la rétribution des choses. Luqman, verset 22. Donc, parmi les conditions de la ilaha illallah, l'obéissance. L'obéissance, même si elle n'est pas totale, elle doit avoir lieu. Car bien sûr, on n'aura pas mécréant quelqu'un qui aura délaissé des obligations. D'accord ? Hormis peut-être pour ce qui est de la salat, selon le col plus authentique, ou celui qui aura délaissé tous les actes, mais sinon le fait de laisser un acte d'adoration, comme ça, par passion, par faiblesse, par fainéantise, n'est pas une chose qui rendrait mécréant, dans l'absolu. Mais il faut voir quel est cet acte et comment cela s'est-il déroulé. Qal Rabi'an. Al-Qaboul, accepter l'acceptation. ودليل قوله تعالى في شأن من لم يقبلها الله الذي يقبل السكنة ستبا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون الله الذي dans le sens que lorsqu'il il aurait été dit la ilaha illallah ils s'enflaient d'orgueil ils refusaient par orgueil cela leur a coûté quoi le feu de l'enfer et la mécréance As-Saffat les rangées verset 35 cinquième al-ikhlas la sincérité والدليل قوله تعالى ألا لله الدين الخالص n'est-ce pas Allah qui revient à la religion pure et sincère Az-Zumar verset 3 sixième condition wasidq la véracité al-ikhlas afwan j'ai oublié de dire al-qaboul quatrième qaboul acceptation c'est le refus son opposé c'est le refus comme dans le verset cela a été cité et l'orgueil et cinquième condition qui est al-ikhlas le contraire c'est on va dire le shirk. D'accord, le shirk. Naam. Thumma qala wa sidq. Wa dalil qawluhu ta'ala la veracité. Wa laqad fatanna allazina min qablihim falyalamanna Allahu allazina sadaku wa yalamanna al-kadhibin. Que nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant eux, que Allah sache qui sont ceux qui ont été véridiques et qui sache ceux qui ont menti. Donc là, ce qui s'oppose au sidq, à la veracité, c'est al-nifaq. Car le munafiq, l'hypocrite, dit ce qu'il ne pense pas. Et laisse croire ce en quoi il ne croit. Laisse apparaître les croyances en quoi il ne croit. Et donc il n'est pas véridique. Et également, il touche à l'ikhlas car il n'est pas sincère. Sabiran al-mahabba, l'amour. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu man yartad minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dans le sens où Allah dit, ô vous qui avez cru, celui qui apostasie d'entre vous de sa religion, que Allah viendra avec un peuple que, c'est-à-dire ce peuple aime Allah et lui il aime ce peuple. L'amour est présent. Al-Ma'ida, la table verset servie, verset 54. Donc l'opposé de l'amour, c'est le fait de détester. Et d'ailleurs, c'est parmi les nawaqid de l'islam, le fait de détester une chose de la religion. Naam. Thaminan, huitièmement, al-kufr bi-ta'arut, le fait de mécroire au ta'arut. Et cette condition-là, certains l'ont ajouté, d'autres ne l'ont pas cité. Et dalil, c'est qu'allahu ta'ala, faman yakfur bi-ta'arut, wa yu'min billah, faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa, l'infisama laha, wallahu samiun alim. Que celui qui mécroit au ta'arut et qui croit en Allah, c'est certes accroché à l'anse la plus ferme, ininterrompu, et Allah est le parfaitement audient et l'omniscient. Al-Baqarah, la page, verset 256. Naam. Et après, ces huit conditions ont été réunies dans des vers de poésie. Qala sahibuha, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a, mahabbatin wa inqiyadin wa al-qabuli laha, wa zida thaminuha. وزيد ثامنها الكفر بما منك بما دون الإله من الأوثان قد أوليها. Dans laquelle il cite ces huit conditions-là. D'accord ? Pour ne pas avoir besoin de les traduire, ces deux vers de poésie regroupent ces huit conditions. ثم قال في السؤال الثامن وأربعين 48e question. ما هي أركان لا إله إلا الله ? Quels sont les deux piliers de la ilaha illallah. Ces piliers sont de deux, qui sont an-nafi, la négation, c'est-à-dire le fait de refuser toute divinité, et deuxième pilier, c'est l'affirmation, le fait de n'affirmer l'adoration que pour Allah seul, c'est-à-dire le refuser toutes les autres divinités et ne l'affirmer que pour Allah seul, Azza wa Jal. Car cela inclut que des gens pourraient dire moi j'adore Allah. Non, mais le fait que tu adores Allah n'empêche pas que tu adores autre que lui avec lui, ce qui est du shirk, parmi les plus grands des péchés. Donc tu es obligé d'affirmer que tu adores Allah seul et que tu affirmes de refuser d'adorer quoi que ce soit en dehors de lui. Et le contraire, c'est quelqu'un qui dirait nulle divinité, c'est-à-dire qu'il voit qu'il n'a aucune divinité, c'est-à-dire qu'il refuserait d'adorer Allah également. Ni une fausse divinité, ni la vraie divinité. Il n'adorerait rien du tout. Donc l'un ne va pas sans l'autre. L'affirmation et la négation. Non. فبيد الكود نكتفي وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك